mon amour, une qui vole des tours, un aller sans retour, sur ce je fais des tours, je suis dans les alentours. Ah là là, je suis TV, j'ai envie de tout péter, j'ai la tête ailleurs au poteau, mais une galère, je viens t'aider. Ah là là, c'est TV, dans les fours c'est TP, dans sa poche c'est couteau. Expliquer.